Lorsque l'homme aura découvert la différence entre l'esprit et le double, c'est à partir de ce moment-là que l'homme pourra commencer à créer son double. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'homme sera capable de vivre ce que nous appelons l'amour cosmique, qu'il sera capable de reconnaître, de former le couple cosmique. Tant que l'homme ne connaîtra pas la différence entre son double et son esprit, il sera assujetti à son esprit, il ne pourra pas connaître, construire le double cosmique. Ceci est extrêmement important. L'homme est un être qui vit lorsqu'il est inconscient de son esprit. Lorsque l'homme devient conscient, et plus il devient conscient, moins il vit de son esprit et plus il vit de son double. Et lorsqu'il a reconnu la différence subtile entre l'esprit et le double, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons dire que l'homme est dans son intelligence et dans sa volonté. Lorsque l'homme n'a pas reconnu la différence entre l'esprit et le double, il n'est pas dans son intelligence, il n'est pas dans sa volonté, il est dans l'esprit. Et l'esprit peut faire avec lui ce qu'il veut, parce que l'esprit peut se servir de son mental, de son astral, de son vital ou de son physique, pour l'amener éventuellement à la formation de son double. Donc, l'homme est un être extrêmement pauvre en intelligence. Il peut être un être extrêmement grand en esprit. Il doit devenir très pauvre en esprit et très riche en intelligence et en volonté. Et la proportion entre l'intelligence et la volonté de l'homme est inversement proportionnelle à son esprit. Ce qui fait que l'homme a tant épousé le concept de l'esprit, c'est parce qu'il n'a jamais compris, réalisé, construit son double. Donc, il n'a jamais été dans son intelligence, ni dans sa volonté. Et tant que l'homme ne sera pas dans son intelligence, ni dans sa volonté, il ne pourra pas construire l'autre aspect des principes cosmiques, qui est l'amour. Donc, il ne pourra pas connaître, savoir ce qu'est l'amour cosmique. Il sera obligé de vivre l'amour planétaire. Et comment le vit-il? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Eh bien, l'amour planétaire, et l'expérience vécue à travers la conscience astrale de l'homme, à travers les sentiments de l'homme, par le pouvoir de l'esprit en lui, c'est-à-dire par le pouvoir de l'énergie en lui, qui le pousse, selon la coloration de son corps astral, à aller dans une direction ou dans l'autre. Lorsque l'homme entre dans son intelligence et sa volonté, lorsqu'il a suffisamment de double, à ce moment-là, c'est lui qui choisit dans quelle direction aller, avec qui vivre, avec qui échanger, ce n'est plus son esprit. À partir de ce moment-là, l'homme commence à connaître l'amour cosmique et il commence à s'apercevoir que l'amour planétaire n'était qu'une étape dans sa vie vers l'amour cosmique. La différence fondamentale entre l'amour planétaire de l'homme ou l'amour de l'évolution et l'amour cosmique, c'est que dans l'amour cosmique, il n'y a pas, chez l'homme, de nécessité d'utiliser son corps de désir. Il n'y a pas chez l'homme de nécessité de vivre des voiles nécessaires, voiles astraux, qui lui permettent de se sentir en amour. Il vit son amour, ou cet amour, d'une façon totalement intelligente et totalement volontaire, et il en récolte les fruits sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, selon l'harmonie qui existe entre lui et son partenaire. Harmonie qui est déjà assujettie dans son choix par la vision mentale supérieure qu'il a du lien qui doit exister sur le plan mental, émotionnel, vital et physique de son partenaire. C'est l'homme qui choisit son partenaire. Pendant l'évolution, l'homme ne choisissait pas son partenaire. Il avait l'impression qu'il choisissait son partenaire, mais ce n'était pas le cas. Son partenaire était amené à lui selon la fragilité, selon la conscience planétaire de son corps astral. Donc, à ce moment-là, il pouvait vivre, connaître ce que nous appelons l'amour planétaire, en fonction des passions qui devaient servir de base, d'infrastructure à cette expression. Mais lorsque l'homme entre dans une nouvelle évolution, qu'il vit son énergie sur le plan du double et non plus sur le plan de l'esprit, il n'a plus besoin de la conscience astralisée pour vivre l'amour cosmique. Il la vit, il la reconnaît, cet amour, en fonction de sa volonté et de son intelligence, en fonction de la sensibilité à tous les niveaux de ses plans inférieurs. Et c'est lui qui devient l'architecte de cet amour. C'est lui qui devient l'architecte de ce troisième principe. C'est lui qui en délimite les conditions. C'est lui qui envoie l'absence de faille. C'est lui qui en élimine les obstacles. C'est lui qui en construit la base. C'est lui qui en est responsable. C'est lui qui en est le soutien. Donc, la différence entre l'amour planétaire et l'amour cosmique est une différence de très grande envergure, parce qu'elle élimine tout à la fois ce qui, dans le passé, servait de règle de mesure pour l'expérience de l'amour planétaire de l'homme. Donc, pour vivre l'amour cosmique, il faut vivre à un niveau de mentation, d'émotivité, de vitalité et de physicalité qui n'est pas ou qui ne fait pas partie de la conscience expérimentale de l'homme. C'est une nouvelle conscience. C'est l'impression créée sur l'homme, sur ses principes, par l'énergie qui a été accumulée dans le double et qui a servi et qui servira à l'instruction éventuelle de l'homme sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. Donc, l'amour cosmique est un amour vécu, même dans la matière, par les deux doubles dans l'invisible. Et tant qu'un homme n'a pas connu la différence entre l'amour cosmique et l'amour planétaire, il lui est impossible de comprendre la subtilité de l'amour cosmique et la grossièreté de l'amour planétaire. Il n'est pas capable de voir la différence subtile entre l'esprit qui l'amène à vivre un amour qui est le produit d'une soumission à certaines données et le double qui est dans le fond lui-même sur un autre plan et qui se sert des plans supérieurs, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, pour concrétiser son expression dans le matériel, mais en union, en parfaite harmonie avec son expression dans l'éther. Donc, dans l'amour cosmique, l'homme vit l'amour sur deux plans à la fois. Il vit l'amour sur le plan matériel et il vit l'amour sur le plan éthérique. Dans l'amour planétaire, l'homme ne vit l'amour que sur le plan matériel, il ne le vit pas sur le plan éthérique. Donc, la qualité subtile, la qualité éthérielle de l'amour qu'il connaît sur le plan planétaire n'est qu'en fonction de la subtilité des jeux, des colorations de sa conscience astrale. Donc, l'homme ne connaît pas vraiment l'amour sur deux plans. Il ne le connaît qu'en fonction d'un plan solide. Et cet amour sur les plans subtils, donc dans l'astral, sont colorés. Et c'est pourquoi souvent, l'homme sur le plan matériel aimera sa femme ou aimera son mari et sur le plan astral se verront en opposition. Pourquoi? Parce que les deux plans sont des plans qui ne sont pas harmonisés. Et très souvent, l'homme verra dans le rêve des expressions de son amour qui sont totalement opposées à son expression dans le matériel, et ceci créera dans sa conscience psychologique des émois ou des formes quelconques de désharmonie. Tandis que lorsque l'homme vit l'amour cosmique, lorsqu'il est dans l'amour cosmique et qu'il le vit, cet amour cosmique, sur le plan matériel, dans sa façon matérielle, il s'aperçoit que sur les plans subtils, cet amour est continu et qu'il devient de plus en plus continu et de plus en plus réel et de plus en plus permanent. Donc l'homme qui vit l'amour cosmique sur le plan matériel s'apercevra que cet amour est continu sur les plans subtils parce que plus cet amour grandit, plus sa conscience grandit, plus les doubles à l'intérieur du couple se forment, plus éventuellement l'amour cosmique est vécu sur le plan de l'éther, où les derniers rejets ou les dernières colorations de l'astral ont disparu de sa conscience. L'amour planétaire est un amour qui sert à créer chez l'homme une sécurité psychologique. L'amour cosmique est un amour qui sert chez l'homme à stabiliser les forces de la lumière qui sont dans l'éther en fonction des forces matérielles dans la matière. Donc, l'amour cosmique est très différent dans sa fonction universelle que l'amour planétaire. L'amour planétaire ne sert pas au double. L'amour cosmique sert le double. L'amour planétaire semble servir l'astral chez l'homme, tandis que l'amour cosmique imprime chez l'homme une énergie qui est l'expression dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de la présence de son double. Si l'homme était conscient de la nature de l'amour cosmique et de la nature de l'amour planétaire d'une façon instantanée, il verrait très bien la différence, il verrait très bien l'illusion de l'un et de l'autre. Mais il ne peut pas vivre ceci parce que l'amour planétaire est très important puisqu'il fait partie de l'évolution éventuelle de l'homme vers l'amour cosmique. Donc l'homme ne peut pas voir avant son temps ce qu'il verra demain. C'est pourquoi l'homme est obligé, pendant un certain nombre d'années, pendant un certain nombre de vies, de connaître l'amour planétaire, afin de se préparer lentement une mémoire qui, plus tard, lorsqu'il sera prêt pour lui de connaître l'amour cosmique, servira à la transformation du corps mental, du corps astral, du corps vital et du corps physique. Pour que l'amour cosmique soit construit, il faut qu'il y ait un autre amour qui soit détruit. Pour qu'il y ait conscience chez l'homme, il faut qu'il y ait destruction de l'inconscience. Pour qu'il y ait chez l'homme une mémoire cosmique, il faut que la mémoire planétaire soit éliminée. Pour que l'homme connaisse l'amour cosmique, il faut que la mémoire de l'amour planétaire soit aussi éliminée. Donc, l'amour cosmique est une expression nouvelle, est une réalisation neuve du pouvoir de l'ego sur la Terre. Et tant que l'ego n'est pas suffisamment avancé en conscience, c'est-à-dire en intelligence et en volonté, il ne peut pas voir ceci. Donc, il ne peut pas commencer à construire la base de cet amour qui sert aujourd'hui sur le plan matériel et qui servira demain sur un plan plus subtil. Le problème de l'homme, même de l'homme inconscient, ce n'est pas nécessairement le fait qu'il vive un amour planétaire, mais c'est le fait que lorsqu'il est prêt à vivre un amour cosmique, il n'est pas capable de se rendre à la conclusion de son intelligence et de sa volonté. Il est obligé de passer et de vivre à l'intérieur des souterrains de sa mémoire, qui sont faits, façonnés par les sentiments de son expérience. Donc, il est incapable de briser avec le passé de sa conscience pour entrer dans le présent de sa superconscience, où l'amour cosmique commence à prendre racine et à se développer afin de devenir éventuellement l'expression d'une superconscience dans la matière et d'une superconscience sur des plans subtils. Il est très facile pour l'homme spirituel de penser que l'amour cosmique est un amour spirituel. Et cette illusion est très grande L'amour cosmique n'est pas un amour spiritualisé ou un amour spiritualisable. Et beaucoup d'êtres aujourd'hui spirituels qui forment des couples spirituels croient que ces couples sont des couples cosmiques lorsqu'en fait ces couples ne sont que des couples spirituels, ne sont des couples qui ne vivent que d'un amour qui est en fait un amour planétaire mais élevé à une autre vibration astrale. La différence entre l'amour planétaire, que ce soit un amour planétaire purement matériel, ou que ce soit un amour planétaire spirituel, ou que ce soit un amour planétaire d'une qualité ou d'une autre, et l'amour cosmique relève de la capacité des égaux, d'hommes et de femmes, de relever le défi de l'imposition de l'esprit sur leurs conditions de vie matérielle. Autrement dit, si un homme et une femme se rencontrent dans la vie, sur une planète, non en fonction de leur intelligence et de leur volonté, mais en fonction de leurs sentiments, automatiquement, que ces sentiments soient d'ordre matériel, passionnel ou spirituel, automatiquement, ces êtres vivent un amour planétaire. Lorsque deux êtres se rencontrent en fonction de leur intelligence et de leur volonté, ils sont obligés de créer cet amour cosmique. Ils sont obligés d'éliminer les obstacles à cet amour cosmique. Et les obstacles à cet amour cosmique sont très grands parce que, pour que cet amour soit construit, il faut que soit éliminée de leur conscience toute forme inférieure de conscience d'amour planétaire. Donc, toute forme inférieure d'insécurité psychologique vis-à-vis les obstacles qui naissent et qui vont vers eux. Puisque cet amour naît de la volonté cosmique de l'homme, de l'intelligence cosmique de l'homme, et que le produit de l'intelligence et de la volonté cosmique de l'homme est cet amour cosmique, il est évident que le couple doit être dans son intelligence et dans sa volonté cosmique. Donc, il est évident que ce couple ne peut pas être prisonnier de sentiments qui forment, en général, la base naturelle de l'amour planétaire. Donc, le matériel de construction de cet amour que nous appelons amour cosmique est totalement différent du matériel de construction de l'amour planétaire. Et il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil et s'imaginer que l'un est l'extension éventuelle de l'autre parce que nous avons atteint de hauts sommets d'évolution spirituelle. L'amour cosmique est un contrat établi entre un homme et une femme par le biais du mental supérieur et de la volonté supérieure, par le biais de l'intelligence réelle et de la volonté réelle. Contrat établi en fonction de ses intelligences et de ses volontés, unanimement raccordé dans une vibration qui ne peut pas être délogée, qui ne peut pas être amoindrie, parce que cette vibration est le produit de l'harmonisation du plan mental, du plan astral, du plan vital et du plan physique. Donc, si la conscience de l'homme, conscience mentale, astrale, vitale et physique, est harmonisée, automatiquement, la vibration est une vibration d'harmonie, automatiquement, cette vibration possède un pouvoir d'organisation, de construction et d'évolution supérieure, et automatiquement naît de cette intelligence constructive et de cette volonté constructive une alliance qui défie les lois planétaires de l'homme, qui défie le pouvoir de l'esprit à travers l'astral pour l'expérience de l'homme et qui automatiquement libère l'homme des conditions assujettissantes de l'amour planétaire pour l'amener aux conditions créatives de l'amour cosmique. Dans l'amour planétaire, il peut y avoir des compromis. Dans l'amour planétaire, il peut y avoir des conditions. Dans l'amour cosmique, il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de conditions, parce que les compromis et les conditions sont déjà le produit de l'imposition de l'esprit sur l'homme. Donc, lorsque l'homme a détruit le pouvoir de l'esprit sur lui-même, parce qu'il est déjà dans son intelligence et dans sa volonté, parce que déjà il a suffisamment de double, à ce moment-là, son amour cosmique, autrement dit son amour réel, autrement dit son amour qui doit le mener éventuellement à un raccord avec l'invisible, ne peut plus être entaché, ne peut plus être aberré, ne peut plus être restreint par des forces d'évolution ou d'involution planétaire. C'est un amour qui ne peut plus être touché parce que déjà il est construit dans son architecture. Il est monté de toutes pièces par l'homme et non plus par son esprit. Et quand je dis par l'homme, je parle de l'homme cosmique, je parle de l'intelligence du double, je parle de la volonté du double qui a été formée par le combat, par la lutte entre l'ego et l'esprit. Ce qui a empêché l'homme de connaître ou de créer cet amour cosmique, c'est la polarité du yin et du yang, la polarité du spirituel ou de l'esprit et de la matière. Autrement dit, la polarité de l'esprit et de l'ego. Autrement dit, l'incapacité à l'homme d'être en dehors de son ego, dans son double, pour contrôler le pouvoir de l'esprit sur son ego, afin de bénéficier de l'énergie de l'esprit dans la matière. Si l'homme avait été capable de bénéficier de l'énergie de l'esprit dans la matière, il aurait automatiquement pu faire la synthèse du yin et du yang, donc il aurait encerclé le yin et le yang, et l'encerclement du yin et du yang en fonction du couple aurait été pour lui ce que nous appelons l'amour cosmique. L'amour cosmique est un travail de construction, mais n'est pas un travail de fatigue. Tandis que l'amour planétaire est un jeu de la passion de l'homme, créé par l'esprit de l'homme à travers le mental et l'émotionnel de l'homme pour l'exécution dans la vie de l'homme d'un plan de vie quelconque. Donc, si l'homme vit du jeu de l'esprit à travers son amour, l'amour qu'il vit n'est pas l'amour de l'homme, mais est une condition de vie de l'homme. C'est pourquoi dans la vie de l'homme, dans la vie de l'amour de l'homme, il y a des hauts et des bas. Mais dans la construction de l'amour cosmique, dans l'expérience de l'amour cosmique, dans la construction de l'amour cosmique, c'est l'homme lui-même, c'est le double à travers le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, qui détermine la nature même de la relation, la nature même de l'union, la nature même du pouvoir de cet amour contre le travail insidieux de la mémoire astrale ou du travail de pénétration de l'esprit à travers le mental assujetti et l'émotion appauvrie de l'homme inconscient. Donc la différence entre l'amour cosmique et l'amour planétaire est une différence qui sera réalisée dans l'expérience et jamais réalisé dans la philosophie. L'amour cosmique ne sera jamais réalisé par l'expérience spirituelle de l'homme. Il ne sera jamais réalisé par l'expérience passionnée de l'homme. Il sera réalisé par la vision qu'aura l'homme, à travers son intelligence et sa volonté, d'un désir qui fait partie du désir du double, imprimé dans le mental, l'émotion, le vital et le physique, pour que naisse sur la terre le couple parfait, pour que naisse dans les terres le couple parfait, afin qu'un jour l'amour de ce couple puisse permettre que l'homme ait accès à la matière et à l'éthérique. Parce que ce qui permettra à l'homme à la fois de passer de l'éther à la matière, ce sera l'anneau, ce sera le cercle qu'il aura construit autour du yin et du yang. Ce sera le cercle qu'il aura construit autour de la polarité. Ce sera le pont, ce cercle, entre l'éther et la matière. C'est pourquoi la formation sur la Terre du couple cosmique est très importante, parce que c'est l'amour cosmique de ce couple qui permettra un jour à l'homme de passer d'une dimension à une autre, et qui permettra un jour à l'homme de réaliser, dans la matière, que l'être humain, l'être matériel, est un être cosmique seulement lorsqu'il a suffisamment de double en lui, autrement dit, lorsqu'il a suffisamment d'intelligence et de volonté en lui, pour créer le cercle qui maintient en équilibre les forces de l'esprit et les forces de la matière. Donc, un jour, l'homme aura la capacité, à cause de la présence d'esprit sur la terre, dans l'intelligence de son double, pour le bénéfice de l'homme matériel, de transformer cet esprit, c'est-à-dire cette énergie, en volonté et en intelligence, afin de créer le cercle de l'amour cosmique et de bénéficier sur le plan matériel de tous ses aspects et de bénéficier sur le plan éthérique de ce qu'il est, c'est-à-dire une unité lumineuse à l'intérieur de laquelle coexistent deux aspects cosmiques, préférentiels, parfaitement harmonisés, que nous appelons la manifestation ou l'explosion ou la transmutation énergétique du mental, de l'astral, du vital et du physique. Donc, le double. Le double est l'expression, sur le plan éthérique, de l'explosion, de la transmutation du mental, de l'astral, du vital et du physique. Donc, le double est effectivement la contrepartie lumineuse de l'homme. Donc, le double est capable de vivre, de connaître et de maintenir la continuité de l'amour cosmique qui a été connu, qui a été dégagé, si vous voulez, sur le plan matériel. D'où la permanence de ce lien, d'où la permanence de cette fondation, et d'où la permanence éventuellement de la relation entre un homme et une femme. Mais si l'homme ne voit pas la différence entre l'amour planétaire et l'amour cosmique, et qu'il est spirituel, il croira que son amour spirituel, ou son amour spiritualisé, ou même son amour matériel, est un amour qui est cosmique, c'est-à-dire un amour qui transcende les limites de la matière. Et ce sera une erreur, parce que pour que l'amour de l'homme transcende les limites de la matière, il faut absolument que l'homme ait compris le jeu de l'esprit à travers son amour planétaire, qu'il ait compris qu'il a été amené dans une expérience d'amour, pour une expérience d'évolution psychologique, pour une expérience d'évolution mentale, émotionnelle, vitale et matérielle. Et si l'homme ne comprend pas cette différence, il ne sera jamais aguerri dans ses sentiments. Il ne sera jamais capable de voir au-delà de ses sentiments, parce qu'il aura toujours le sentiment de son sentiment. Et à l'intérieur de ce sentiment qui contient un autre sentiment, il y aura toujours la continuité de la mémoire, la continuité de la domination de l'esprit. Il n'y aura jamais la capacité intelligente et volontaire de l'homme cosmique du double d'imposer sur la Terre à travers l'ego, par le biais du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique, la volonté cosmique de l'homme, donc créer sur la Terre l'amour cosmique. L'homme n'est plus au stage. Quand je dis d'homme, je dis certains hommes ne sont plus au stage d'être aberrés par leur esprit. Ils ne sont plus au stage de ne plus connaître la différence entre l'esprit et leur double. Ils ne sont plus au stage de perdre conscience, même instantanément, de leur savoir. Ils ne sont plus au stage de perdre conscience, même instantanément, de ce qu'ils veulent, parce que l'esprit en eux est trop puissant pour leur intelligence et trop puissant contre leur volonté. L'homme est rendu à un point où il est capable de dévisager l'esprit. Le dévisager de telle sorte qu'il puisse changer son visage et donner à son visage la qualité dont lui veut qu'il possède, c'est-à-dire qualité de service, qualité d'appui, qualité de clarté et non qualité de domination, pour quelque évolution ou à quelque niveau évolutif que ce soit. L'homme ne doit plus être assujetti d'aucune façon à son esprit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à comprendre la différence entre l'amour cosmique et l'amour planétaire. C'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à comprendre qu'est-ce que c'est que ça veut dire être un homme. C'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à comprendre qu'est-ce que c'est être une femme. C'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à comprendre la différence fondamentale entre l'esprit de l'homme et l'intelligence de l'homme. La volonté de l'esprit ou le pouvoir de l'esprit et la volonté de l'homme. Et la volonté de l'homme un jour doit être aussi puissante que la volonté de l'esprit. Et l'intelligence de l'homme un jour doit être aussi grande que l'intelligence de l'esprit, afin qu'il y ait équilibre entre le yin et le yang, qu'il y ait équilibre entre l'invisible et le matériel. Et cet équilibre ne peut pas être établi que lorsque l'homme a créé, construit son double. Parce que c'est dans le double qu'existe l'homme. C'est le double qui est l'homme. Le matériel, à travers le mental, l'astral, le vital et le physique, est le support du double, est l'expression du double mais c'est le double qui est enfin l'homme. Et il ne faut pas que l'homme ait l'impression que c'est l'esprit qui est l'homme. Ce n'est pas l'esprit qui est l'homme. L'esprit est esprit, le double est homme, cosmiquement parlant, et le matériel est l'homme, la forme humaine de l'homme dans la matière. Donc, il y a dans l'homme trois aspects. Il y a dans l'homme l'esprit, il y a dans l'homme le double, et il y a dans l'homme la matière de l'homme. Et ce n'est que lorsque le double a été suffisamment développé que l'homme, dans sa matière, est capable de réaliser qu'il a le pouvoir d'utiliser son esprit pour son propre bénéfice, afin que naisse sur la terre la conscience cosmique, afin que naisse sur la terre le couple cosmique, afin que prenne naissance sur la terre l'amour cosmique qui est inviolable et qui ne peut plus être assujetti aux lois planétaires, aux lois d'interférence et aux lois de l'astral ou de l'esprit. À partir de ce moment-là, l'homme commence à cultiver sur la Terre une relation avec un être parallèle qui ne se confine plus à une conscience inférieure, mais qui se confine à une conscience supérieure, une supraconscience qui n'a plus de limites et qui va au-delà des frontières du matériel. Ce sont les sentiments de l'homme qui empêchent ce dernier de connaître l'amour cosmique. Ce sont les sentiments de l'homme qui nuisent au développement de l'amour cosmique, parce que les sentiments de l'homme sont tellement grands qu'ils contiennent à l'intérieur d'eux-mêmes d'autres sentiments, qui s'enchaînent avec d'autres sentiments et qui empêchent l'homme de briser avec son esprit pour ne reconnaître que son intelligence et sa volonté. L'esprit de l'homme est une énergie, simplement une énergie. Cette énergie doit être construite, cette énergie doit servir. Cette énergie doit être élevée à un niveau supérieur, qui est le double. Mais cette énergie ne doit pas être active dans l'homme au-delà des confins de l'évolution. À partir du moment où l'homme entre dans l'évolution, à partir du moment où l'homme se conscientise, à partir du moment où il prend dans ses mains les outils dont il a de besoin pour se créer, pour se construire la vie dont il a de besoin, pour s'exécuter créativement, il faut que proportionnellement son esprit diminue et que le pouvoir de cet esprit soit rendu à sa volonté et à son intelligence qui ont été construits, transmutés par la diminution graduelle de l'esprit à travers son mental inférieur, son astral, son vital et son matériel. Donc l'homme de demain, le couple cosmique, sera le produit d'une transmutation du sentiment de l'amour de l'homme. Ce sera le produit d'une transmutation qui élèvera la nature de l'intelligence de l'homme, la volonté de l'homme, et qui éventuellement éliminera pour toujours la conscience spirituelle de l'homme et le pouvoir de cette conscience spirituelle contre son amour cosmique, amour dont il a de besoin pour concrétiser dans la matière l'harmonie qui doit exister entre le mental, le vital, l'astral et le matériel. Tant que l'homme ne connaîtra pas l'amour cosmique, il ne pourra pas parfaitement intégrer ces quatre plans, parce que ces quatre plans font partie de la polarité des corps, ces quatre plans font partie de la constitution même des plans d'exécution de la matière. C'est pourquoi il y a sur la terre l'homme et la femme, le pôle matériel de l'esprit et le pôle spirituel de l'esprit. La femme est le pôle spirituel de l'esprit, l'homme est le pôle matériel de l'esprit. Ceci veut dire que l'homme engendre par son pôle matériel l'énergie nécessaire afin que le pôle spirituel puisse s'intégrer à lui. Mais ceci ne veut pas dire que l'homme et la femme doivent demeurer éventuellement et pour toujours, dans une conscience spirituelle de leur réalité. À un certain moment, l'homme doit être capable de s'approprier le pôle spirituel de l'esprit qui est la femme, et la femme doit être capable de s'intégrer dans le pôle matériel de l'homme afin de former une conscience nouvelle sur la terre, un amour nouveau sur la terre qui est l'amour cosmique. Si nous disons que l'esprit veut s'intégrer à la matière, mais que l'esprit ne peut pas permettre que la matière le possède librement, avec facilité, C'est pour faire reconnaître que l'esprit, bien qu'il doive descendre dans la matière, ne peut être intégré à elle que lorsque l'homme a reconnu l'importance de sa matérialité. Et lorsque l'homme a reconnu l'importance de sa matérialité, il assujettit les vapeurs spirituelles de sa conscience astrale. Il assujettit les vapeurs spirituelles qui empêchent cet homme de se réaliser en tant qu'être cosmique dans un corps matériel. Et c'est pourquoi l'amour cosmique est un amour extrêmement réaliste, est un amour extrêmement près de la matière, comme il est un amour extrêmement près de l'éthérique. Parce que il n'y a pas dans cet amour de vapeur spirituelle, il n'y a pas dans cet amour de condition d'évolution. C'est un amour qui est neuf, c'est un amour qui n'appartient plus à l'esprit. C'est un amour qui appartient à l'homme, c'est-à-dire que c'est un amour qui appartient à la conscience supérieure de l'homme, à la conscience qui a vu le jeu de l'esprit à travers sa conscience astrale, à travers ses émotions, ou à travers les conditions de sa vie planétaire. Donc, pour que l'homme connaisse bien la différence entre l'amour planétaire et l'amour cosmique, il faut qu'il en arrive un jour à dévoiler le visage de l'esprit et à voir que l'esprit essaie toujours d'empêcher l'homme d'être ce qu'il veut afin que lui descende dans la matière. C'est pourquoi la transmutation de l'homme est si difficile, parce que étant ignorant, il ne voit pas le jeu de l'esprit. Donc, s'imagine que l'esprit, en fait, est lui, lorsque, en fait, l'esprit n'est que de l'énergie. Et comme cette énergie, elle est créative, elle a la puissance, le pouvoir d'agir contre sa conscience planétaire. Mais au profit de qui? Au profit de sa descente, et non au profit de l'homme, et non au profit de l'ego. Donc l'homme est pris entre son esprit qui veut descendre, entre les illusions qu'il doit créer pour descendre, et lui-même, c'est-à-dire ses désirs humains, ses désirs conscients, ses désirs créatifs, les désirs qui naissent de sa volonté et de son intelligence. Il ne sait pas où mettre, où faire la différence. Il n'est pas capable de voir la différence. Donc, il est piégé. Et la seule chose qui l'amène à sortir du piège, c'est la souffrance, c'est l'écœurement, c'est la décision, un jour, de faire sa vie comme il le veut, parce qu'à ce moment-là, il a suffisamment de volonté et d'intelligence pour avoir vu à travers le jeu de l'esprit. Ceux-là qui connaîtront l'amour cosmique ou qui formeront le couple cosmique découvriront que le couple cosmique ne naît pas de la conscience subjective de l'homme, que le couple cosmique naît de l'intelligence et de la volonté de l'homme. Ils reconnaîtront que dans la formation du couple cosmique, il y a une intelligence et il y a une volonté. Et que cette volonté et cette intelligence font partie d'eux. Que cette volonté et cette intelligence n'est pas le produit d'une imposition quelconque. Elle est le produit, ou ils sont le produit, d'un profond lien avec eux-mêmes, mais cette partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas encore parce qu'ils ne sont pas encore sur le plan éthérique. Ils découvriront que la formation du couple cosmique est une œuvre, et ils verront qu'il y a toutes sortes d'obstacles contre cette œuvre. Mais c'est la volonté et leur intelligence qui leur permettra de continuer cette œuvre et de former ce cercle autour de la grande polarité de l'homme, c'est-à-dire la polarité de son esprit et de sa matière, afin qu'il découvre la synthèse de cette polarité qui est dans le fond de tout, le double. Lorsqu'un homme dit « je sais quelque chose », ce qu'il sait, s'il le sait bien, s'il le sait parfaitement, ce savoir vient du double. Mais s'il ne le sait pas parfaitement, ce savoir ne vient pas du double, il vient de l'intelligence de l'esprit. Et l'homme peut être fauté par l'intelligence de l'esprit, parce que l'esprit se servira toujours des voiles de l'ego pour pénétrer dans la matière. Donc, dans la formation, dans la création de l'amour cosmique, il faut que l'homme sache. Et il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à ce savoir. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'esprit qui joue avec ses sentiments ou qui joue avec les voiles de son ego. Sinon, cet amour cosmique ne pourra pas être construit parce qu'il y aura trop d'obstacles en puissance contre lui. C'est pourquoi ceux qui découvriront l'amour cosmique le découvriront par eux-mêmes, le découvriront en fonction d'eux-mêmes et jamais en fonction de leur esprit, jamais en fonction de leur pensée, jamais en fonction des forces ou des influences extérieures. Plus le cercle de l'amour cosmique sera puissant, plus il maintiendra en équilibre l'énergie de l'esprit et la matière. Donc, plus l'homme sera heureux sur la terre. Parce que pour que l'homme soit heureux sur la terre, il faut qu'il y ait équilibre entre ses aspects spirituels et ses aspects matériels. Si l'homme veut être en santé sur la terre, il faut qu'il y ait équilibre entre ses aspects spirituels et ses aspects matériels. Pour qu'il y ait bonheur sur la terre, il faut qu'il y ait équilibre entre le yin et le yang, la partie invisible, spirituelle, énergétique de l'homme et la partie matérielle de l'homme qui de plus en plus se fonde avec elle. Et l'amour cosmique, le cercle autour ou entourant ces deux principes, ces deux polarités, doit être créé. C'est pourquoi l'homme ne connaîtra jamais l'amour cosmique sans l'avoir créé. Ce n'est pas un amour qui naît de la passion, ce n'est pas un amour qui naît du corps du désir, ce n'est pas un amour qui naît des affectations subliminales, c'est un amour qui naît de l'intelligence et qui naît de la volonté pour l'extériorisation de l'homme cosmique, pour l'extériorisation de la partie perfectionnée de l'homme. L'homme doit être vigilant dans son expérience amoureuse. Il doit être vigilant car il doit savoir, il doit réaliser que dans un amour réel, dans un amour cosmique, dans un amour qui est finalitaire, il ne doit pas y avoir de soumission, de souffrance, d'imperfection, de faille, de limitation. Cet amour doit être total. Et seul l'homme et la femme qui régissent cet amour, qui créent et construisent cet amour de par intelligence et de par volonté, réalisent ou peuvent réaliser qu'il ne peut y avoir dans cet amour de faille. Et s'il y a faille dans cet amour, il est temps, il est pressant pour l'homme de se désengager de cet amour, car il n'est pas cosmique. Et lorsque je dis de se désengager, je dis de se désengager à long terme, éventuellement, mais de se désengager de façon intelligente et volontaire, et non pas de se désengager de façon immature et irrespectueuse des conditions qui ont, au début, donné à cet amour une valeur expérientielle, même si elle était planétaire. L'amour cosmique entre deux êtres vient dans son temps. Il est créé dans son temps, lorsque ces êtres ont suffisance de volonté et d'intelligence. Et avant que cet amour soit créé, l'amour planétaire doit subsister, doit continuer, parce que cet amour sert, d'une façon ou d'une autre, à maintenir sur le plan matériel un certain ordre, à maintenir sur le plan matériel une certaine balance entre les différents plans de l'âme.